bon, ça devrait marcher. Alors, oula. Oui, alors, pour les notes, c'est... Alors, pour les notes du thème, c'est... Sol dièse. Fa. Sol dièse. Do. Avec du suicide. D'une note complète. Après, c'est le ré dièse. Voilà.